À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Khariss. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Khariss, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour le dernier Planet Rap de la semaine avec Khariss qui fait son entrée dans le studio entre 20h et 21h. Comment ça va, Khariss? Ouais, je suis bien ou quoi, ma gueule? Après ce concert hier soir. Lourd de fou. Ouais, c'était le feu. C'était le feu hier au Trabendo. Ouais, c'était le feu. Les gens, ils étaient comme des oufs. Ça sautait dans tous les sens. On a tous transpiré. Première date de cette zéro tour. Exact. Avant de partir, on aura la liste. Marseille. On filera les dates pour tous ceux qui veulent voir le 2-7-0 tour. Exact. Bon, bien, l'ambiance était. J'ai vu pas mal de vidéos, pas mal de gens qui ont envoyé. J'ai vu des vidéos. Ah, c'était le feu. Hein. J'ai vu des gens qui étaient en feu sur le concert. T'as été surpris par des morceaux, toi, ou pas sur le concert sur les nouveaux titres. Les morceaux qui tournent, en fait, c'est les morceaux qui les ont rendus vraiment ouf, tu vois ce que je veux dire. Après, les autres morceaux, c'est les morceaux qu'ils ont découverts eux-mêmes dans l'album. J'ai été surpris qu'ils connaissent certains morceaux alors que l'album est sorti il y a 3-4 jours, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que c'est ça qui fait plaisir. Et bah écoute, bienvenue pour le dernier Planet Rap. Tu as un invité qu'on va présenter dans un instant. Un invité de marque, mais juste avant. Frère. Ah bah on le présente tout de suite. Présente-toi, mon pote. Mac Taylor est là avec nous. Salut, Fred. Je suis content de t'avoir et évidemment, je te présente des condoléances de la part de. Voilà, on sait que tu as passé une période difficile. Depuis la perte de ton frère. Hein. Ouais. Il y a quelques semaines de cela. Donc voilà, merci d'être là en tout cas. Merci. Ça fait toujours plaisir de venir et de partager de la positivité. Khariss m'a appelé, toi on se connaît depuis très longtemps. C'est le seul qui m'a soutenu, frère. C'est vrai? Ouais, c'est l'un des seuls. Mac Taylor, ouais. Ouais, j'ai vu son message, ça m'a fait chaud au cœur. Et j'ai compris qu'en fait, on a l'impression d'être différents, mais en fait on est pareil. Bah, 80 autres en même temps aussi. Hein. Ouais. C'est important pour moi. Ouais. Je sais pas pour lui. Ouais, si, moi, c'est super important le 9-3, tu vois. Le 9-3, c'est un. Il y a un mode de pensée. C'est un mode de pensée qui est un peu. Tu connais, Tiené. T'as vu, on a un mode de pensée un peu têtu, un peu. On a notre mentalité à nous. Une mentalité bien spécifique et on est attaché à ce qu'on est et d'où on vient. Voilà. Ça fait peut-être 15 ans que je rappe, 15 ans que je peux pas me lâcher de dire, ouais, moi c'est le 9-3, cousin, je m'en bats les couilles. Vous êtes rencontrés quand tous les deux d'ailleurs, il y a plusieurs années de ça? Ouais, on s'est rencontrés il y a plusieurs années, ouais. Moi je l'avais rencontré, je crois que je l'avais déjà rencontré sur un truc à l'époque qu'il avait fait avec MacGregor et tout. Ouais. Et MacGregor, il m'avait déjà parlé de lui. Après, donc à l'époque de Tandem? Ouais, parce que lui, en fait, il faisait beaucoup de trucs avec MacGregor époque. Et je suis là depuis longtemps. Bah, je sais, on sait. Il faisait beaucoup de trucs avec MacGregor. Et puis après, voilà, le temps il est passé. On a des gens en commun. On a beaucoup d'amis en commun. Et puis voilà. En fait, sans le savoir, on se connaît en fait. Voilà. Donc voilà, c'était. Et puis moi, je l'ai appelé pour le clip 80 The Trait, tu vois. Ouais. Les gens ont pu le voir dedans. Ça a étonné beaucoup de monde, des gens qui a accepté de venir parce que peut-être qu'ils me prenaient pour un artiste qui se mettait un peu sur le côté ou quoi que ce soit. Alors que moi, je voulais juste faire mon album, me présenter, tu vois. Je voulais apporter ma pierre à l'édifice comme eux l'ont fait, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, fallait que je le fasse tout seul. C'était un genre de. C'était une guerre entre moi, moi et moi-même, tu vois ce que je veux dire. Et en tout cas, c'est vrai que pour les artistes du 93, il y a toujours un hymne. À un moment, c'est vrai qu'on parlait du 93 hardcore hein, aussi. Ouais, mais celui-là, c'est 93 hardcore. On l'a tous vu, on l'a tous saigné, on a tous été. Il y avait NTM avec le Saint-Denis Style aussi. Ouais, voilà. Et puis toi aussi maintenant avec le 80 The Trait. Ouais, le 80 The Trait, il y a le zoo, il y a des titres aussi que j'ai fait. J'ai apporté ma pierre à l'édifice, quoi. J'ai essayé de faire comme eux en fait. 80 The Trait qu'on retrouve sur l'album qui est sorti lundi. L'album de Khariss. C'est donc Mac Taylor qui est venu avec ce soir une grosse exclue. Il me semble, si je dis pas de bêtises, avec un gros cadeau. Ouais, je suis venu avec une exclue parce que je sors bientôt mon album. C'est le 4 mai, ouais. Ouais, le 4 mai, je suis une légende et j'ai un nouveau titre que je voulais profiter de faire partager. Alors qu'il y a un sauce du 93 qui fait son Planet Rap, j'ai dit vas-y, on va faire un cadeau pendant ce Planet Rap. Alors que c'était pas prévu du tout. C'est pas terrible. Donc on va découvrir, c'est un morceau qui s'appelle Je suis une légende. Je suis une légende. Le nom de l'album, on pourra le découvrir tout à l'heure, le temps que vous le disiez un peu partout sur les réseaux sociaux. Répandez le message ce soir dans le Planet Rap de Khariss. Mac Taylor est venu avec une exclue. Je suis une légende. On va découvrir ce morceau dans quelques minutes. Et juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé durant cette semaine avec Khariss. C'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Bonsoir Khariss, comment ça va? Wesh Fredo, bien ou bien? Quand la temps prend vos mères, vous valez rien, vous valez rien, vous voyez rien. Quand la temps prend vos mères, oh oui, c'est trop tard pour que les autorités viennent nettoyer le drame. Flex. Yo. Tous les MC pissent le sang dans les toilettes des dames. Flex. Calaché, chargé, je tire, je ne parle plus comme un Marines. Ma bitch prend du plaisir par le cul et par les narines. Planète Rap Caris. C'est les auditeurs qui te posent des questions, Caris, et on a Sarah. Allô, bonsoir Caris, ça va? Ça va ou quoi, Sarah? Tranquillement? Ouais, ça va. Je me posais la question parce que j'avais vu en fait dans le clip Sevrac où tu commences à dire ils disent que je suis plus leur frelon et que j'ai le bras grave long. Et tu m'as assis en fait avec eux. Hey, tu m'as habitué de rire, j'ai même pas entendu ta question. La tête de l'homme. Planète Rap Caris. Les femmes adorent baiser, mais elles n'aiment pas se faire baiser. Dès que mon nom est prononcé, l'atmosphère est lourde de menaces. Un schlasse dans ma besace. Enculé que ça va, c'est tenace. 2-7-0 cartel. Double A, je le martèle. Je viens te sauver, ma belle. Je sors tout droit d'un Marvel. Elle veut pas qu'on voit sa tête, mais elle veut qu'on voit son cul. C'est le monde à l'envers, les yeux de ma mère, je ne comprends plus. Je suis tellement coté que les rappeurs ne savent plus comment faire. Je suis pas sur ton son, mais on parle de moi dans les commentaires. Comment tu peux faire confiance à tous ces nègres intendants? Peux mourir pour un pote, mais abandonne la mère des enfants. Tu connais déjà l'histoire de mon gros orteil. Parlons de mon cachet, de mon osé. Lève pas, bel homme, le canon te cache au soleil. T'es un gros cisra, mais ta fille va coucher d'un carlouche. Bye pas pendant que je rappe. Planet rap. T'as compris ou pas? On continue ou pas, Caris? Ouais, fort. Continue fort. Non, ça sauce pour tout. C'était toute cette semaine en direct avec Caris sur Skyrock. Que ceux qui me suivent paraissent dans leur coin. Ils ont le pouls saturé à l'heure de pointe. Évite de trop tirer sur mon joint. Tu peux te faire mêler comme Interpoint. Gucci, Prada, Louis Vuitton. Me parle pas d'amour, c'est du bidon. Je préfère me faire piquer par un scorpion que par ce fils de putain de Cupidon. La pute avec mes deux temps, je pense à l'avenir. T'es en train de te les branler, tu sens que ça va venir. Vision nocturne, phare directionnel. Je suis dans la cuisine au four traditionnel. Je suis dans le bolide, je vais débouler. Vent, grêle, puis j'ai boulé. Toujours hardcore, même après des saoulés. Je crache dans le gâteau, fraîchement démoulé. News, cool, il n'y a plus de battle. Ou plus ton cul, ferme plus ta gueule. Mes négros ne plaisantent plus. L'Alabama ne chante plus. De 7 et 2 R au gang. La chaleur du Big Bang, cocaïne et crack dans mon traîneau. Je suis dans le V12, frérot. 2-7, 2-7, 2-7. Allô? C'est qui le patron? Lourd. Caris. Caris. Caris. Planet Rap. L'heure n'est plus à la flatterie puisque mon cœur est à la batterie. Le bruit de mon âme. Le bruit de mon âme. Noémie. Ouais, ouais. Allez, tu es trop rapide. C'est bien, Noémie. Je veux que la vie me fasse une gâterie. Ah, ça, c'est la phrase de phare. Ça te plaît, Noémie, hein? Ça me plaît. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Et tu twerques, et tu twerques, et tu twerques, et tu twerques, et tu twerques, et tu twerques, et tu twerques. Gros billet sur ton gros cul, ton gros cul, ton gros cul n'est que la face cachée de l'iceberg. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. Tu ne fais que pousser des hits, tu ne fais que sucer des bites. Mon gang est resserré comme dans le PKK. Tes fesses sont écartées comme dans un FKK. Abidjan, Brazzaville et Dakar. Chaud comme les Boko Haram et Fatah. J'ai un nouveau Glock avec deux chargeurs. Large et le torse dans le débardeur. Ok. Tous les soirs, 20h-21h, en direct avec Caris sur Skyrock. C'est Caris, notre invité. Voilà ce qui s'est passé, résumé en quelques minutes cette semaine avec Caris. Il y avait de l'énergie, hein. Et bah ouais, fort. Il y avait de l'énergie. Grosse semaine. C'était au rendez-vous. Une grosse semaine qui s'achève ce soir avec donc Mac Taylor qui nous a rejoint. Exact. Ouais. Alibi aussi qui nous a rejoint. Alibi aussi qui est là. Montana, le 9-3, l'honneur. Salut Fred, salut So, salut Caris. Ouais, salut. Voilà, quoi, comme tu dis, le 9-3. 9-3, l'honneur. 9-3, c'est particulier. Donc, ça... C'est ce que disait ouais, Mac Taylor à l'instant. C'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier dans le 9-3. Ouais. Il y a un truc où on soutient. Caris, il le sait, voilà, que c'est une appartenance en fait à part, c'est un truc, même si des fois on peut être éloigné ou pas se voir pendant un certain temps, mais je pense qu'il y a quand même un truc dans le cœur, ça a toujours été comme ça, hein, le rap du 9-3, ça a toujours été à part. C'est vrai. En fait, c'est quoi, nous, on a une particule, on a beaucoup de défauts, hein, comme tu sais, hein. Ça veut dire, ouais, on peut être. On est des hommes. On a un truc où. On pourrait faire mieux avec le 93, tu vois. Mais on est chacun des têtus, on est des mecs de cité avant d'être des rappeurs. Ce qui fait que parfois on est chacun dans nos coins. Et ce que parfois les gens auraient aimé qu'on réalise en 15 ans, on n'a jamais réalisé en fait. Tu vois, moi j'étais dans mon coin, Aubert, Saint-Denis, Courneuve, lui il était là dans son coin. Et lui il était dans son coin de l'autre côté, tu vois. Sevran. Ah voilà, c'est encore un autre truc. Ce qui fait que en fait. Tu vois, nous on est reclus chacun dans nos trucs, on a chacun notre fierté. Ça c'est la fierté, c'est le défaut du 93. L'ego, ouais, tu vois, c'est un truc qui est devenu aussi un défaut parce que parfois l'évidence on le fait pas parce qu'on est chacun dans sur nos trucs. Et il y a plein de gens qui se demandaient pourquoi les mecs du 9-3 ils ont pas fait ça, Sefio, McTayer, Tandem, Caris, tout ça là. Et ça c'est dû à notre ego surdémesuré du 93. Et voilà, donc c'est l'ego 9-3. Donc quelque part on a un peu de, tu vois, ça nous donne la force parce que on est fiers, donc on peut se battre contre toutes les épreuves de la vie. Mais d'un autre côté il y a des choses où l'orgueil est mal placé, c'est un péché, et parfois on fait des choses qui doivent pas se faire. On est des humains, voilà. Et ça me tenait à cœur de le dire ici. C'est vrai, c'est vrai. Que ça soit partagé. Et ça me fait penser à l'époque où on était à Bico, So et moi. À l'époque, déjà, il y avait des choses qui devaient se mettre en place. Ils voulaient même mettre en place des trucs importants par rapport au 93. Vrai. Et on n'a pas pu le faire parce que, comme il a dit tout à l'heure, c'est une histoire d'ego. Et voilà. Même mon petit frère Alino, il me le disait déjà à l'époque. Mais il y a des choses que. Bah, l'important, c'est aussi de se retrouver. Voilà. La preuve ce soir entre 20 et 21. Voilà. C'est pour ça que c'est important de venir. C'est pour ça que c'est important de venir aujourd'hui. Du coup, c'est important. C'est important. J'ai le frangin d'Alino, je l'ai vu, il est dans le coin aussi. Voilà. Frangin d'Alibi. Il m'a monté jusqu'ici et je le vois plus. Et vous avez bien fait de venir. Comme ça, mon frère. Puisque non seulement il y a l'album de Caris qu'on découvre encore ce soir, même s'il est sorti depuis lundi, il s'appelle Le bruit de mon âme, mais il y a une exclue aussi, McTayer, qui est venu avec un morceau qu'on passera tout à l'heure. Fort comme jamais. Okay. Je suis une légende à découvrir d'ici quelques instants. C'est aussi le nom de cet album qui sortira le 4 mai prochain. Juste avant, on débute avec Crystal. Crystal. Comme d'hab. Morceau qui a fait sauter le Trabendo hier. Ouais, fort. Allez, c'est parti. Tout le monde dansait, c'était une dinguerie. Morceau très lourd. Yeah. QT Hendrix, fire my shit, the world, you know what I'm saying? LBG, we global. RGT. Oh, I dude. Won't trust these bitches. These bitches gon' tell. We don't trust no stick around none of these bitches. These bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter. I serve a whole bell. Motherfuck these police, nigga. My nigga, they shootin' that 12. Nigga shootin' that police. Je me devais de les Kalashnikov fait. Je me balade au cimetière avec mes trophées. Je fume un joint de bœuf pour me doper. La guerre on va la faire, y'a R, je suis OP. Je leur pisse dessus comme sur une aire de repos. Les couilles se voient même de dos. Balayette entrée, tu pas ton topo. Ici tous les coups sont vrais, t'es pas heureuse beau. Ceux qui te touchent ne m'effleurent pas. Je rentre dans le carré comme Bobby Shmurda. AK chargé et tu smurfras. Cristal que crache, mélange dans la cuisine. Tes implants au legging, sur le siège chauffant. Ce n'est pas un leasing. Mon gang est sur le listing. Tu m'attaques, il paraît. Rafale et ta chatte disparaît. J'augmente la dose dans le trafic. Et la criminalité sur le graphique. Même dans la saleté, faut que je m'applique. J'fais des hat-tricks, je viens d'Afrique. J'prends le pouvoir comme Napoléon. Roi soleil éclairé par les rayons. T'es ébloui par mes prénoms. La chute te donne le sourire. I want you to these bitches gon' tell. We don't trust no stick around none of these bitches gon' tell. Here you go. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter. I serve a whole bell. Motherfuck these police, nigga. My nigga, they shootin' that 12. My young nigga. Motherfuck these police, nigga. My nigga, they shootin' that 12. My young nigga. Don't carry no sticks around none of these bitches gon' tell. These bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter. I serve a whole bell. Got the molly, got white, got the lean, got the kush, got the purple in the kill. My young nigga. Dans le bunker comme Oussama, Psycho Gun, Rayon Gamma. Tout droit, direct, comme Otama. En même temps que ma Jordan annonce Blue Gamma. Depuis vendeur de nana, organisé comme le Fatah. Je défouraille tous ces bâtards. Je les mange en steak tartare. Tu veux rapper comme moi, t'es cloné. Je fais du liquide, de la monnaie. Je passe devant toi, t'es sonné. Tout se passe sous ton gros nez. J'suis pépère, VTTF, Zanotti. Arme de guerre, j'possède toute la panoplie. I won't trust these bitches. These bitches gon' tell. Woo! Don't try no stick around none of these bitches gon' tell. Here you go. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. What the fuck, these police nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young nigga. What the fuck, these police nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young nigga. Don't carry no sticks around none of these bitches gon' tell. My young nigga. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Got the Miley, got white, got the lean, got the kush, got the purple, got the trip. Seven breaks on dead like Jack Chain. Got them hoes on dead like shoe spring. Put a brand new limb on shoe spring. I was got a head nigga on Duke. Got a whole lot of auto-tune, none of no T-Pain. 36 O's in a whip, with no keychain. Young gay white bitch, immigrant nigga. Got a rich nigga, hang with penitentiary nigga. Motherfuck the feds. Fuck Illuminati. Nigga, we ain't scared. This a kamikaze. All of my bitches, all of my bottles. We doing this shit, we might not see tomorrow. 200 bitches from Paris on my timeline. Damn right, I done went all the way this time. Trade a nigga like a one of a kind. Diamonds hanging, I'm a Sierra Leone. Fuck a rich nigga, that what you want. I don't fuck a rich nigga, that what you want. Ice and spade, for sure, that's what we own. These niggas tryna buy me, know they some clones. Look, you might have mixed it all on them. These Persian bitches know they don't trust these bitches. These bitches gon' tell. We don't trust no stick around none of these bitches gon' tell. There you go. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Motherfuck these police nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young nigga. Motherfuck these police nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young nigga. Don't carry no sticks around none of these bitches gon' tell. These bitches gon' play. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Got the Miley, got white, got the lean, got the kush, got the purple, the pills. My young nigga. J'en place une pour tous mes refs au ballon. Bakshish, Dodo, Linder. Eh Nadir, faut tenir le coup. Ok les frérots, dur. C'est extrait du bruit de mon âme, c'est dans les bacs. Ouais. Ce morceau à l'instant avec Caris, Crystal et Futur. On va demander l'avis du 9-3. Parce que je trouve très lourd. Hein. Vous aussi, vous avez écouté beaucoup de connexions. Souvent, on a parlé des connexions parfois réussies, d'autres un peu moins. Mais là, pour moi, en clip américain, c'est franco-américain, c'est un des plus aboutis. Mmh. Parce que jusqu'au clip, jusqu'à tout, tout a été bien fait. Je pense que la dernière fois que j'ai vu un truc aussi bien fait, c'était à l'époque d'IAM. C'est vrai que avec Sons of Men. Sons of Men, ouais. Ouais, ouais, t'étais abouti, carré. Mm. Voilà. C'est vrai, il est merci lourd. Merci, frérot, merci. Je pense la même chose, hein, Riska. Je l'avais dit au frérot, il me l'avait montré dans sa voiture. Il y a peut-être 2-3 semaines de ça déjà. Et... bon. À la Caris et Futur avec Thérapie qui nous a rejoint aussi, qu'on peut saluer, ouais. Qui est à la prod et à la réalisation aussi de cet album avec l'équipe de Thérapie. On peut saluer une fois de plus les producteurs qui ont bossé dessus. Hein. Exactement. Donc Zaz, Fantôme, grosse pensée à lui. Il y a aussi donc bien sûr Loxon qui est ici et 2031 qui nous écoute de Toulouse. Eh ben on le salue 2031 ce soir. Chichi. C'est la dernière de Caris entre 20 et 21. Avant de le laisser partir en tournée, hier c'était le Trabendo. Le 10 avril, je vous ai dit que je vous filais les dates, c'est à Marseille. Le 11 à Lyon. Le 13 avril à Montpellier. Le 14 à Bordeaux. Le 15 à Toulouse. 21 avril à Caen. Le 22 à Rennes. Le 23 à Brest. Le 28 à Metz. Le 29 au Printemps de Bourges. Le 9 novembre, il y aura un Zénith de Paris aussi, un gros Zénith de Paris. Ouais. À pas louper. Faut venir nombreux. Et les places sont déjà en vente. Ça va être un très très gros show. Très gros show sur Skyrock entre 20 et 21. Il y aura du live ce soir, Caris. Il y a un live de prévu. Ouais, j'ai écrit un petit truc sur la route. Je suis pas sûr d'aller au bout, mais je crois que les premières paroles devraient suffire. Productif en ce moment. Ouais, je suis comme ça. T'as le temps même entre les concerts, les répètes de concerts et tout. Il faut trouver le temps. Sinon, tu te fais noyer direct. Tu te fais noyer direct par le truc parce que ça va trop vite. Mais tu penses pas déjà. Ouais, dire ou pas. Tu penses pas à un nouvel album déjà. Si, on est déjà dessus. Arrête. Déjà, même pas le temps de profiter de celui-ci. Si, on profite en même temps, on fait tout en même temps. Ça veut dire quoi, t'es dessus? C'est quoi, il y a des morceaux finis ou pas encore là? C'est non, juste des maquettes. Des petites maquettes, des petites instrus, des idées de morceaux. En pleine réflexion. Fini, en fait, on est en pleine réflexion là-dessus. Pas de nom d'album encore, rien. Non, c'est pas encore. Bon, il y a un nom d'album par contre qui est connu, celui. Je suis une légende. Je suis une légende qui sortira le 4 mai. Ouais. Album de Mac Tailleur. Je veux, ouais, le 4 mai, je suis une légende. Je pense que personne n'est prêt sur l'album Caris. Ah, bah en tout cas, il y a un morceau, il y a déjà deux morceaux qui tournent, celui avec Maître Gims sur Skyrock. Ouais. Il y a l'autre morceau avec un jour peut-être le clip est arrivé aussi. Hein. Ouais, mais j'ai deux singles là que vous tournez actuellement. J'ai deux gros singles et ça fait plaisir parce que tu vois, il y a des très bons retours sur des singles. Surtout sur un artiste comme moi qui a surtout l'habitude de communiquer que en viral, ouais, avec que des morceaux street. Je suis content des retours que j'ai sur des morceaux qui passent en radio et qui sont bien écrits, qui sont tout ça. Donc je suis content et personne n'est prêt à l'album. Bon alors, Je suis une légende, c'est le morceau, on le balance maintenant. Comme ce jamais, morceau, tu l'as découvert toi ou pas, Caris? Tu l'as écouté? Je vais le découvrir en même temps. Ah, t'as pas écouté encore? Alibi non plus? Non plus, non. Thérapie non plus? Non, non plus. À la prod, c'est qui de ce morceau? De celui-là, Go Fast. Go Fast. Go Fast Music. Bon, on le balance, tu veux dire un mot avant ou... Non, y'a rien à dire, 4 mai dans les bacs. 4 mai, Je suis une légende, Mac Taylor, en exclu maintenant sur Skyrock dans Planète Rap. Écoutez, réagissez, dites-nous ce que vous en pensez. J'oublie jamais d'où je viens. J'oublie jamais d'où je viens. Oui, j'oublie jamais d'où je viens. J'oublie jamais d'où je viens. Après la mort, il y a l'enfer, il y a le paradis. Derrière l'amour, il y a la passion, la peine et la tromperie. Derrière mes larmes, il y a de la rage et beaucoup de regrets. Je sens du jamais, je suis pas en paix, je sais plus comment faire. Quand je pique des colères, je redescends et je deviens amnésique. Chicha Camo, c'est grosse pute, tout ça c'est fantaisie. Immigration, des microbes affamés, des frictions avec des fils de pute qui cherchent qu'à rafaler. C'est ça, hein, c'est ta mère qui pleure ou la mienne. Elle est moi à l'époque où je sortais mon flingue avec majeur et index, avec Oufdi dans le bac à sable, loin du crack et du sale. Derrière une vodka, y'a pas forcément de raison valable. Boy, écoute ça, c'est un ancien qui te parle. À la tête, tout le monde nous quitte comme Tupac, sans nous dire bye. L'espoir va die comme les du Diana. La preuve, je regarde le sang couler dans le pays du Dalai Lama. Heureusement, à la Wakwal, maman, maman, maman, je t'aime tant. Maman, maman, maman, je sais, adolescent, j'étais chiant. Heureusement que tu m'as pas maudit, heureusement que tu m'as soutenu. J'étais beaucoup déçu, je pense au destin brisé, mes potos détenus dans les cité, y'a que des moutons et des suceurs. Très peu ne pensent par eux-mêmes, c'est comme ça qu'on reconnaît un leader. Légende, j'écris cet album sans même me comprendre. Si j'écoutais les nœuds du net, j'aurais pu me pendre. Mais j'ai la force mentale, déterre tel un camère. C'est mon flow hélicoptère qui me maintient dans les airs, qui me sort de la galère. Je vendrai encore de la coke, je vendrai encore du bédo. J'aurai encore des envies de meurtre sur Trollo. Un loupard qui roule en queue. Facile de voir les gens se dessouder. Je respecte les familles solides, les frères qui restent soudés. Famille Youssef, famille Lakbi, famille Oulmedi, famille Niakate, famille Sissoko, famille Ba, famille Adoba, famille Amirsa, famille Doumbia, famille Dramé, Riton Razik et la famille Borja. J'en place une pour les valeurs familiales. Si Biflia, on va tous manger des liasses et c'est normal. Que je fasse du rap, c'est normal. Qu'Anelka fasse croquer ses refs, c'est normal. Que je représente mon 9-3, c'est normal. Que je te baisse si tu me fais du mal, c'est normal. Qu'un jour je fasse disque d'or, c'est normal. Derrière la calage, y'a la tristesse des quartiers nord. Les deuils, les envies de vengeance, mais la patience est d'or. A défaut de la raison, c'est le temps qui peut me guérir. Si tu prends le risque d'aller trop loin, tu comprendras où je suis. Plus personne a le temps pour les choses simples. Chacun est dans ses bails. T'as mis monnaie, mais sans monnaie, pas de life. Toujours une arme dans la boîte à gants, je rappe sur la boîte à rythme. Tous les yeux rivés sur le parc depuis les Qataris. En liasse de billets de sang jaune comme le canari. J'achète ta mère et le fils de pute qu'elle a pour mari. Ma façon de dire que je vous emmerde, parce que je suis visionnaire, on dit que je suis fou et que je me grosse tête. Je suis pas là-bas, moi, je me pavane pas. J'ai les pieds sur terre, mais le géant a la tête dans les nuages. C'est pour ça que j'ai personne dans mon sillage. Quand je valide une prod, je rentre pas en cabine d'essayage. J'ai volé l'armure de Pécase à Seyard. J'entends le bruit du GP volé d'Elsbar. Les cris d'une mère affolée quand les keufs débarquent. Du chien dans l'immeuble, la famille recouverte de honte. Menottée au milieu de la cité, tout le monde te regarde mal dans le fond. Mais c'est ça la vie, c'est ça le drame. On marche pas sur les charpes ardents sans avoir le pied qui crame. Moi j'ai la tête cramée, mon casier loin d'être vierge. Armé de savoir, soif de vengeance comme Monte Cristo. Rien n'arrive par hasard. Moment de réflexion, je repense à nos morts. La vie serait pareille s'ils n'étaient pas morts. Faut pas se poser ce genre de questions. Faut jamais douter de Dieu pour pas se faire sauter le caisson. Force au monde contrôlé par les médias. Où tout le monde a le caractère photocopie dans la chicha. Décharge affective de ce que je ressens. J'écris cette lettre pour la rue, celle qui me ressent. Pour la rue, celle qui me ressent. Pour la rue, celle qui me ressent. En général. Parce que je suis une légende. Yeah. Le 4 mai dans les bacs, je suis une légende. C'est le 9-3 ce soir. Caris, Mac Taylor, Alibi. Le général, je suis une légende. Il faut suivre Caris. Méga lourd ce soir, méga lourd, méga lourd. Y'a son album dans les bacs. Dieu, le bruit de mon âme. C'est pas le bruit de son arme. Yeah. Voilà, on exclut sur Skyrock le son Je suis une légende. Yeah. Gros son, Caris, réaction immédiate. Je suis cordain, parce que c'est super bien écrit, frère. Toi, c'est l'écriture de celui qui te touche. Ouais, celui-ci. J'aime bien l'écriture. J'aime bien son écriture, elle est lourde. Elle est moi, je suis un fan de rap français, frère. Bah, bien écrit, c'est bon, frère. Voilà, faut, on connaît tous sa plume, hein, donc je suis pas surpris. Et les réactions des auditeurs, une putain de tuerie, lourd, lourd, le Je suis une légende, nouvel extrait, c'est du sale, très beau morceau envoyé par Kitam. Lourd, lourd, lourd, pire que lourd. C'est Irvine qui nous envoie ça, voilà pour les messages. Quelques messages qui arrivent, il y en a d'autres aussi qui sont passés. Et il faudra attendre le 4 mai pour la suite de l'album de Mac Taylor. Voilà. Un gros morceau qu'on écoutait à l'instant et pendant que le morceau diffusait, un autre. Yeah. Alors, il vient pas lui du 9-3. Moi, c'est 9-5. Mais pas très loin. Panam All Star. C'est pareil. Et quelqu'un qui t'argent aussi sur ton album. Ouais. Sur, pareil, sur un morceau, on parlait d'écriture, un morceau justement qui est un peu plus intimiste, un morceau qui est sur ton album, qui s'appelle Le bruit de mon âme, l'album. En fait, tu vois, ce Joe-là, ça fait longtemps que je voulais faire des trucs avec lui. Mmh. Ouais. Parce que j'ai toujours kiffé comment il chante. Depuis l'époque de Sniper, j'ai toujours kiffé ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font, tout ça. Et c'est vrai que c'est, en même temps, c'était une connexion un peu inattendue, parce que bon, Blacko, qu'on peut saluer, qui est là avec nous. Contre toute attente, mais c'est vrai quoi. Des fois, il faut faire des trucs que les gens sont pas prêts. Et après, il faut balancer, et c'est à eux de prendre la température du truc. Les opposés s'attirent, mon pote. C'est ça. Non, mais c'est bien, puisqu'on parlait justement tout à l'heure de ce côté 9-3 où on se réunissait pas assez. C'est bien aussi de tenter des choses, d'aller parfois à contre-courant. Partout. Ouais, on est parti à contre-courant, mais on a trouvé un terrain d'entente sur le fait que les gens jugent souvent sans connaître. Sans connaître, sans écouter même. Sans écouter. Et donc là, tu peux me juger, tu peux ne pas me juger. De toute façon, c'est Dieu qui va me juger. Exactement. Tout ce que tu diras, ça ne me servira à rien. Ça ne me touche pas, ça ne me frôle pas. J'en ai rien à foutre. Voilà, je suis un battant, je vais être le meilleur. Et dans ce que je fais, c'est tout. C'est ça qui veut dire le morceau, en fait. Bon, Blacko, ça va? On est là, frère. On j'ai vu que tu étais à la Réunion, oui. J'ai suivi. On est rentré hier matin, on est rentré. Je suis allé, moi aussi. La semaine. Ouais, je sais. Ouais. T'as joué à la Polo, tout là-bas. Je suis resté une journée. Ça. Ouais. Une journée. Ah, la Polo, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Eh, au fond, il y avait des gens qui mangeaient du riz, frère. En tout cas, la Réunion, c'est vrai que c'est une sacrée île. Hein, parce qu'on parle souvent des. C'est un délire, frère. Non, mais c'est un monde seulement. On parle. Les gens suivent bien là-bas, le rap français et tout. Ça, ils suivent tout. Près, non, mais c'est vrai qu'ici, souvent, on parle encore ici en France d'identité, machin et tout. En tout cas, la Réunion, t'as un mélange incroyable de gens. Ouais, il y a tout le monde qui viennent de partout. De toutes les religions, tu vois. C'est... Noir, et il n'y a pas la guerre blanc, là-bas. Ouais. Il n'y a pas la guerre là-bas, alors que t'as une mosquée, t'as une ville, Saint-Pierre, elle s'appelle Saint-Pierre, mais il y a une mosquée. Mais une mosquée dedans, Et il n'y a personne qui dit détruisons là ou cassons l'église ou truc. Ils sont ensemble, les gens, tu vois. Ouais, tout le monde, c'est vrai qu'il y a un taux de tolérance assez hallucinant. Ouais, mais c'est. Ils n'ont pas le choix, en fait. Ils sont tous différents. C'est comme ça. Donc qui va se battre contre qui? Voilà. En fait c'est ça en fait. Tu vois, ils se ressemblent tous en fait. Ouais. Tu remarques les réunionnais, tous pareils. Mais toi t'es pas resté longtemps alors? Moi je suis resté une journée, j'ai grave la haine. Faut retourner. Je suis pas resté assez longtemps pour bien grailler la bouffe de là-bas en fait, tu vois. Pour bien prendre la température. La température et tout, c'est dommage, mais je vais retourner si Dieu veut. Si on m'appelle, de toute façon j'y vais, si on m'appelle pas, j'ai l'occasion d'y aller, je vais aller fort comme jamais. Voilà, belle. Mais ça m'a fait flipper les montagnes là. Ouais. Ça monte. C'est bon. Tu sais, la route elle était cassée, tu vois, il fallait monter comme ça, tu vois. C'est un délire, il y a des gens qui habitent dans les nuages et tout. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, dans les villages, tu vois, il faut marcher 6-8 heures, tu vois. Ouais. Ou prendre un hélicoptère pour aller voir ceux qui habitent là-bas. Bon, ça t'a fait du bien en tout cas d'y retourner un peu. Ouais, petite prise d'inspi avant de rentrer en studio pour l'album, finir le dernier virage et voilà quoi. Petit concert aussi là-bas, non? Petite soirée. On a joué à l'Apollo aussi au même endroit. Ouais, c'est bien quoi. Ouais, c'était cool. Les gens ils réagissent bien et tout, c'est cool. Et donc voilà, qu'on se charge pour la ouf là-bas, toi. Ouais, ça se passe chez toi, plutôt, ça se plutôt bien. Côté de ouf chez toi. En gros, faut partir avec Blacko quoi. C'est la prochaine fois qu'il arrive. C'est avec lui. Ouais, bah ouais, fort. C'était bon. C'est avec lui qu'il faut aller là-bas. Donc voilà quoi, et album 15 juin, je crois que c'est ça la date. Ça, je peux. Oui, normalement, moi j'avais entendu juin, ouais. Ouais, 15 juin, et donc voilà quoi. Ça charbonne, on finit le truc et ça va arriver. Donc. Bon, et puis content donc de cette collaboration avec Caris. Bah ouais. Moi, je suis en mode, déjà, depuis que je suis revenu, je suis en mode quilucru.com. Voilà, tout ce qui m'arrive, c'est en mode quilucru.com. Je me suis inscrit dessus, j'ai pas compris. Et depuis, je poursuis, tu vois. Prétends que ça plaît aux gens, c'est bon. En tout cas, c'est toi qui l'as appelé sur le morceau. Bah ouais, tu l'as appelé. Fierté pour moi. Vous connaissiez un petit peu avant, si rencontré. Non, moi, je connaissais que sa musique. Ouais. Et c'est sa musique qui me plaisait. C'est tout. Et toi, quand t'as reçu un coup de fil de Caris, tu t'es dit. Non, au début, on s'est dit, bon, sur quelle thématique, sur quel truc, tu vois. Après, on a trouvé. Vous voulez poser sur Zoo. Ouais. On a trouvé le terrain d'entente qu'il fallait, on a foncé, c'est tout, tu vois. Après, on a fait le travail et voilà. Bah, c'est un morceau qui te correspond, il s'appelle Voyageur. Voilà, ça même. Moi, en tout cas, ça me fait super plaisir de. Ah, moi aussi. C'est une époque, hein, ouais, moi. C'est quoi, quand je le vois, ça me fait penser qu'on avait 20 ans. Ah ouais, frère. Je sais pas comment. Tiens, on a fait trop de choses ensemble. Ah ouais. On est resté trop à des studios. Des couvre-feux énervés, des studios Black Door, des. Ouais, on a fait des morceaux ensemble. On a trop fait de trucs ensemble à l'époque. Ah, et quand je vois son retour, ça me fait chaud au cœur de fou. Merci, photo. Ouais, puis ça marche fort, le retour de Black Door. On revient demain, mais on a lutté. Je sais, t'inquiète pas. Merci. Et ben il est là de retour donc le 15 juin. Et puis en attendant, il y a le morceau Voyageur qu'on pourra peut-être passer ce soir, non? Comme jamais. Et s'en pense Caris. On va le passer fort. Et bon, on va le passer dans un instant. On vous attend aussi au freestyle par téléphone 41759 pour vous inscrire. Bougez pas, on revient après ça. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Caris pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap, Caris. Caris avec nous entre 20 et 21. Et quelle soirée ce soir? Ouais, c'est lourd. Blacko vient de nous rejoindre à l'instant. Général McTayer était là aussi, avec Alibi Thérapie est là aussi. Il y a du soutien, c'est bien. Il y a du soutien pour l'album Le Bruit de mon âme. Et on avait une année très dure, tu vois, beaucoup d'attaques et tout. Ça fait plaisir qu'on ait du soutien aussi. Et puis ça fait du bien aussi de voir qu'on peut se rassembler aussi parfois dans la musique. Très important. Et que les gens soutiennent. C'est ce qu'il faut qu'il se passe maintenant. Voyageur, on va écouter, on va parler que de musique là. C'est tombé un peu toutes les histoires, je pense que toi aussi, exact. T'es passé à autre chose. De fou. Et on va balancer ce morceau qui s'appelle Voyageur, justement, avec Blacko. Morceau qui figure sur l'album Le Bruit de mon âme. Le Bruit de mon âme, Voyageur, poteau. Et qu'on va découvrir. Un gros refrain de fou malade. Merci, poteau. Bang! Voyageur, je répète les mêmes erreurs. Pionique sont mes adducteurs, char soviétique à la place du cœur. J'ai arpenté à travers le rire des hyènes en train d'enfanter. Jusqu'à ce que la lune décroît pour me faire un berceau argenté. Stigmate sur mes phalanges, sous ma barbe de mola. Primate, je ne me mélange pas parce que j'ai l'Ebola. 9 mm nous sépare, 9 mm du trépas. Le ciel l'a déjà cartographié, mais le chemin ne le sait pas. La naissance du mal ou la mort d'un amour. J'ai fait mon choix avant que la nuit dévore le jour. Entre bruit et halo et silence des agneaux. Je veux pas les billes, je veux les calots. Comme Iki, je leur dis allo, allo. Je ne suis qu'un voyageur. Je ne suis que de passage ici bas. Halluciné. Dieu nous donne la viande et le shaitan et le cuisinier. La haine est coincée dans mes tripes comme l'interrupteur de la chaise électrique. Des ronds dans leur tête clique, des figures géométriques, métriques. Au départ nulle part, j'suis au sous-sol, pas de bol. On me voit partout et les boussoles s'affolent. Des kills dans la soute, tout ce qui nous plaît dérange. Je sais qu'on mourra tous avant qu'il écroule sur les plaies des anges. Gros joint en première classe. Décisives sont mes passes, des ogives sur mes traces. Je récidive, je suis néfaste. Je roule en terre, je suis des vôtres. Des terres pour les nôtres. Toujours à l'aube d'une guerre, je suis toujours à la veille d'une autre. Je ne suis qu'un voyageur. Je ne suis que de passage ici bas. Voilà, c'est extrait de l'album Le Bruit de mon âme. La lourdeur, poteau. Lourd, moi j'ai kiffé. Voyageur, ah. avec Blacko alias Kilucru.com. Yes, c'est mon nouveau site. Sur l'album de Caris, Le Bruit de mon âme à l'instant. Ouais, gros morceau celui-ci. Il fait partie des morceaux justement un peu plus intimistes, comme il y en a d'autres aussi. Il y a Zone de Transit. Ça, c'est un morceau à pousser un peu plus. On va le pousser celui-là. Voyageur à l'instant avec Blacko sur Skyrock, qui est là aussi avec nous entre 20 et 21. Et par téléphone, on est avec Marocco de Valence. Salut Marocco. Ça va très bien, quoi. Ça va et toi? Tu as vu ce plateau incroyable ce soir dans Planète Rap? Ah ouais, j'ai vu, il y a du monde. Hein. Ouais. Salut Marocco. Ah ouais. Salut Marocco. Salut. Tu es le dernier à freestyler cette semaine dans l'émission. Ah si, si. Et bon, t'écoutes mon pote, c'est parti. Let's go. Ok, c'est parti. Yo, Roland ton black, blondeur, ça a fait. Yo, rapper comme vous c'est trop facile. Faut que ton quartier, je rappe mes racines. Allez vous faire enculer, tu me paniques ta mère, Marocco rancunier. Vas-y, vas-y, tire sur le calumet, pas le temps de les calculer. MTBM va les allumer, on débarque sur Scred TV en soum soum. Pour m'arrêter les gars, bzef alikoum, salam alikoum, l'haram alikoum. Prends-moi ça comme un PC qui pète au tympan, les MC sont lents, leur chat est collant. Dédicace à tous ces PD qui commentent, poil de roi, mon mal sur commande. J'baisse vos merdes, sœurs, t'es comment? Car y'a que Dieu qui peut me tuer, Dieu, mais l'histoire à l'heure ouvrait, amusé, zé, rolante. T'as tout vu, t'as tout fait. Arrête la flûte, tu vas t'étouffer. Guette la lourdeur de mes couplets. Mon frère a pas l'air développé, couché. White Widow, j't'invite à rouler. Marocco bien entouré. Adji, Billy, Watos, Benchico, donc viens pas tester. Ah, Versace, Versace, Versace, dans mon équipe que des chorons, négro fâchés. Attaché, attaché, attaché à la mise. Comme t'es Jojo, on est lâché. La politique veut nous marquer, fuck le smic. Détail des sangers, Billy, fais péter les watch, vais les tenter. Je rappe pour les mangeurs de couscous et de mafé. T'es choqué, car depuis le départ, j'ai éliminé tes rappeurs, ils ne m'en voulaient pas. Encore une dinguerie qui se prépare. Marocco se voit, mais dans le game, j'pars. Ton rap est démonté comme un vrai espoir. Cassez ta canne, mais t'es espoir. On manie le mic et les clés et bras. Le rap bande mouche, ils sont bien agras. Hein? Ça fout la merboula, si tu portes les haines dans ta tête, de l'amboula. L'histoire qu'on a eu au Marocco tape dessus comme un con de Derbouka. TMTBM c'est pour mes gars, 4-8 Wujda, moi un amboka. Toi c'est dans un bocal, besoin d'un avocat. Pour les prostituées, pour les blindés, c'est la coca. Yeah. Ok Marocco à l'instant, hey, on freestyle. Lourd Marocco, hein, ma gueule, lourd, lourd. Merci à toi, rappelle-nous les adresses pour te suivre. Alors moi pour me suivre, c'est ma page Facebook Marocco26. Et après tout ce qui est Instagram, Twitter, c'est Marocco BDK Crew. Vous pouvez me suivre dessus. Eh ben merci à toi Marocco. Merci à vous. Ciao, ciao, yeah. Passe une bonne soirée. Bon, Caris, est-ce que t'es prêt pour le live? Tu nous as dit en venant, ouais. J'ai écrit 2-3 petits trucs. J'ai écrit 2-3 petits trucs, tu vois. Je vais essayer de les placer sur un son, on va voir ce que ça donne. Prêt? Toujours. On peut attaquer, c'est si on freestyle maintenant dans le studio. 2-7. 2-7. Regarde en livraison, j'apporte toujours du vrai son. Je finis de lui mettre profond, elle cherche son string et je cherche son prénom. Tout est maculé, y'a rien de candide. Soit t'as des principes ou du plomb dans le bide. La bouteille de Ciroc et mon cœur sont vides. Tant que mes Air Force et mes jambes sont vides. J'avance pour ne pas perdre l'équilibre, comme sur un vélo. Hit comme Black and Yellow, les mains dans la farine comme un pizza yellow. Comme un but de Zlatan, tu te demandes comment il a fait Narchetan. Je veux les clés des cuisses d'Alisha, je veux des Mia Khalifa. Pas le temps à perdre, je fais dans le gonzo. Je leur laisse même pas le crouton. Tes sables sont tellement guenzou que ça donne des boutons sur toute la route. J'écrase les bords, je ne m'arrête plus, j'ai grave le mort encore. Je veux qu'Athéna suce tous les chevaliers d'or. Négro, pourquoi tu me check? Sale fils de putain, tu mouilles. Moi je préfère perdre la tête plutôt que de perdre mes couilles. Pas besoin d'un Uzi pour tenir mon bloc. Juste une ceinture Gucci pour tenir mon Glock. J'fais du très sale, ivre de puissance. Tu rappes très mal, tu fais dans la nuisance. Ils n'ont plus de Sephore. J'ai bibi le Merco. J'suis dans le cheport. Si tu veux me suivre, tu vas te fouler le clito. J'enquête sur ces scras. Tempête sur le neutra. Comme c'est d'une overdose de queucra. Plus vite et mieux ce sera. Et je suis un griot pour m'aligner. Je me fais pas prier pour les billets. Chico, mal aligné, trié dans le négrier. Si tu crois que je bluffe, moi, je défouraille dans l'œuf, moi. Rate pas sa cible dans le neuf. Crois, tu vas le savoir dans neuf. Moi, je suis au micro, je pose pour les bombarder. Tous leurs micros, cosmé, t'impacter. Laisse l'assassin faire et les conjacter. Regarde leur sphincter et décontracter. Elles aiment tellement mon chocolat que je me prends pour Willy Wonka. Je leur mets des mains, des doigts, des queues, clap, plus de speak, I Honda. La paume est en croco, accroché au volant Momo. Momo ou promo, 60 secondes, chrono, j'arrive en promo. Le pare-choc arrive sur ses charclos, la bite arrive avant les abdos. La noirceur de ma peau est égale à la noirceur de mon drapeau. Des zizi dans nos slips, obligé t'es dans notre flip. Les magnums sont plus grands que Prodigy de Mobb Deep. Si t'as le bout, t'es dans mon peuple. Seulement si t'as de la chatte. Enlève tout, ça reste entre nous. Envoie-moi vite un Snapchat. Je suis spécialisé dans le macabre. Lyrics sanctuarisés dans le marbre. 93 très très grand jeu. Je les excite tellement qu'ils baisent entre eux. Je les excite tellement qu'ils baisent entre eux. Carus, Carus. Le bruit de mon âme, poteau. On l'a fait ce putain d'album, il est sorti malgré tout. On va les baiser, vous inquiétez, hop. On est là, 93 est là. Mac Tailleur est là. Tu connais, une légende, poteau. Alibi Montana est là, tu connais aussi. Blacko, 270, Sevran, Thérapie Musique. Je vous baise. Voilà pour bien conclure un live. Puis ça défoule en plus. Ouais, c'est lourd. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc ça a écrit il y a quelques minutes. J'ai terminé tout à l'heure, mais je l'ai écrit. J'ai commencé peut-être hier ou avant-hier. Mmh. En fait, j'écris. Normalement, je connais mes textes par cœur, tu vois. Parce que je crois que dans la musique, le plus fort, c'est celui qui connaît ses textes par cœur. Mmh. Et là, Par cœur, tu rentres en studio, si tu connais par cœur, tu vas mieux le jouer, tu vas mieux le vivre. Et là, je le connaissais pas par cœur. Donc, toi, quand t'enregistres, tu fais ça, t'essaies de les avoir par cœur, les morceaux. J'apprends tout par cœur. Tout ce que j'aime, je l'apprends. Et donc tu balances, tu trouves les sons qui vont avec, donc avec l'équipe de thérapie. Et là, fallait que je remette ça, quoi. Ah bah c'est pour ça qu'en même temps, sur scène, c'est aussi un peu plus simple pour les avoir. Là, t'as deux albums en tête, puisqu'il y a la tournée. Mais c'est difficile de faire le tri, c'est difficile. Ça va, hier soir, pas trop de trouages, hier soir, pendant le concert en fait. Non, c'était bien, j'étais foncé, mais j'avais beaucoup fumé, mais tout le monde était content, on a fait un putain de show, quoi. Bon, en même temps, quand il y a un public en face, généralement... Quand le public, il connaît les paroles, il est corda. Il y a des moments où tu peux avoir des petits trous. Ouais, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Ouais, bien sûr. T'es là ou quoi, toi? Non, je n'étais pas là au Trabendo. Je serai là au Zénith. Après le Bataclan qu'on avait vu il y a quelques mois de cela. Le Bataclan aussi, il était lourd. C'était un très gros Bataclan. Ouais. Ouais. Donc là, la prochaine date ici, en tout cas à Paris, ce sera le 9 novembre au Zénith de Paris. Et puis la tournée 10 avril à Marseille. Exactement. Tu voulais ajouter quelque chose, Thérapie? Demain, on est en Belgique, tu vois. Donc voilà, du côté de Bruxelles, voilà, faut venir en showcase. Ah bah, demain, showcase. Voilà, je rappelle aussi, je fais un peu de promo, tu vois, pour ceux qui veulent des t-shirts BTTF, etc. Il y a qu'une adresse, c'est bttfshop.com. Mis à part les distributeurs dans la rue, voilà. Donc le Zénith. Ritus Bondinor, t'as vu, il m'a envoyé un texte, je suis obligé. Il est obligé de dédicacer. ABL Shelfa, bah, t'as Ritus, vu. Voilà, Bondinor, tous les mecs de Boboche. Voilà, Etienne, mon frère. Avant de quitter, donc, on va faire un point sur ce qui va se passer là dans les mois à venir. Donc pour toi, Caris, c'est évidemment la tournée avant tout. Ouais, la tournée. Le ciné aussi, parce qu'il y aura le film, on l'a dit, un film qui s'appelle Braqueur. Braqueur, ouais. Voilà, de Julien Leclerc, avec Samy Boisila, Kaina Karina, et plein d'autres bons acteurs. Et puis, il y a un autre album qui est déjà en préparation. En réflexion. Voilà, bon. Celui-là, déjà, il faut le digérer, c'est un album sur le long terme. Je pense que, au fil du temps, les gens vont bien l'écouter, bien kiffer. Il y a beaucoup de morceaux, comme le morceau avec Voyageur, qui vont rentrer dans les cerveaux. Voilà. Et bon, on va conclure avec quel morceau, Caris? Quel morceau tu veux? Dis quoi, toi, le double? Je suis là. Tiens, vas-y. Attends, on va regarder. Alors attention, parce qu'il y a 18 titres en même temps pour conclure ce Planète Rap et saluer un petit peu tout le monde, tous les invités qui étaient là ce soir autour de la table de Planète Rap. On s'arrête sur quoi, alors, Thérapie? On va mettre... il y en a trop, là, je sais pas. On a tout joué, frère. Mais prends le doigt, regarde, hop, tu fais ça à l'aveugle. Non, on va terminer par Sevrak. Sevrak? Ouais, Sevrak, quoi. On va terminer par La punition, Sevrak, c'était la punition. C'était la punition, ouais. Ouais, c'était la punition. Pareil, ça fait partie des morceaux. Bah, c'est le premier qui a été balancé, ouais, hein. Exactement. Autour de cet album. Avec le clip, avec les affiches, tout ça. C'était un bon truc. Ouais, il s'amuse dessus et tout, ça tue, tu vois. Et bah, on y va. Bon, attends, avant de le balancer, je veux balancer un truc sur Blacko, tu vois. Ah. Sincèrement, tu vois. Ah. T'as vu, je suis dans le parade depuis longtemps. Blacko, j'ai toujours connu la voix, tout ça, y a pas de galère. J'ai écouté son titre sur Sky. J'étais obligé d'appeler Stéphane, tu vois. Parce que Blacko, il était venu à une époque pour écouter des profs, tout ça, machin, tu vois. Il n'était pas encore signé, tu vois, vraiment. Il cherchait, tu vois. J'avais pas encore de structure, moi. Si j'ai un regret aujourd'hui, tu vois, c'est pas d'avoir signé Blacko, tu vois. Vraiment, merci vraiment, je te le dis. Et je leur ai dit déjà, tu vois. Ouais. Lourd, très, très, très. Ah, je savais pas, j'étais pas au courant, ça, moi. Non, je suis pas corda du tout. je rigole. Lourd de ouf, une voix de ouf. En tout cas, moi, ça me parle, tu vois, un mec de 38 piges. J'espère que mon fils va l'écouter, etc. Ça tue, tu vois. Voilà, merci, frère. Il faut l'écouter. Ah oui, donc il y a un moment où t'as failli. J'avais pas encore structure. Tu t'es posé la question. Mais t'étais déjà. Non, il n'y avait pas encore Carré, j'avais pas de structure. Ah oui, donc il y a. J'avais pas de structure, etc. J'étais juste. J'étais dans la salle du temps, moi. Ouais, exactement. J'étais avec Vegeta. Et Et tiens, voilà. D'ailleurs, si on parle du label, t'as aussi maintenant, bon, il y a Caris évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres signatures éventuelles ou c'est trop tôt encore maintenant? Pour l'instant, c'est encore trop tôt, tu vois. Enfin, encore trop tôt, non. Il faut trouver l'artiste aussi qui tue, tu vois. Mais là, avec Caris, j'ai déjà beaucoup de taf, comme je t'ai déjà dit. Et voilà, je suis un label indépendant. Voilà, j'ai des deals avec les maisons de disques, etc. Mais, oui, parce que c'est vrai qu'on a dit que t'étais chez Def Jam, mais avant tout, enfin, t'es signé chez Thérapie, voilà. Je suis chez Thérapie. Moi, j'ai un deal avec Def Jam, voilà. Mais bon, c'est tout comme, tu vois. C'est tout comme, c'est une bonne collaboration, c'est des partenariats. Donc, gros big up à eux aussi, tu vois. Pour finir sur cet album, ils ont fait le taf, tu vois. Mardino, Benjamin, Greg, voilà, Emma aussi, tu vois. Et tous ceux qu'on a oubliés, Jamel. Donc voilà, donc Jamel tout ça, en tout cas pour dire que voilà, la suite va s'annoncer lourde. On prépare l'album. Je vais normalement préparer. Et on est aussi, très énervé. Ouais, très énervé. J'ai sûrement préparé un album multi-artiste, tu vois. Je vais me mettre dessus là. Et puis voilà. Et bon, on suit devshop.com en tout cas. Faut rentrer l'oseille, tu vois. Toi, Caris, c'est un truc qui dit aussi produire, chercher des gens. Non. Moi, je vais l'aider sur le taf pour le projet qu'il veut faire. C'est normal. Je vais poser dessus. Je vais faire ce qu'il veut que je fasse. Mais la production, c'est lui. Non, c'est autre chose. Ouais, c'est un autre boulot. Bon, bah avant de se quitter, je rappelle aussi que vous pouvez mater le live hein, pour les dernières minutes. Les photos aussi. Tiens, on va y accéder aussi. Il y a l'application Yax. Allez la télécharger. On va y accéder en direct du studio là pour les dernières minutes du Planet Trap de Caris. Et bien, on balance le morceau Sevrac. Sevrac. Allez, c'est parti. J'ai dans ton anus et je pousse encore avec mon phallus. Il était temps que tu traces et t'arrêtes. Tu n'as laissé que le trône et la trace de taré. Je serai le numéro 1, j'en fais le pari. Je défonce le rap français depuis l'Atari. Plus 43ème Bima, aucune avarie. Y a 963 chevaux dans ma Harari. Je suis connu dans toute l'Afrique comme Tupac Fali. Killuminati comme Tupac Akali. On sort du zoo et on encule d'Atari. Tu me suces et j'éjacule sur ta carie. 2-7-Z-2-R au squad. Un double fois que je croise des WAD. Isolation phonique, ça sent la chronique. Thérapie, musique, t'as chaté moi. Je suis dans la cabine, tu dois me féliciter. En séance, tu gaspilles de l'électricité. Beaucoup d'envie et de jalousie. Susciter le cul du mouvement que je dois ressusciter. Je dégaine plus vite, je dois anticiper. Ton règne est fini depuis l'antiquité. Robe noire, je bats tout aiguesné. Je leur nique la queue, je n'ai pour la mixité. Et je mélange. Fuck le smic, vend de la drogue, fuck le schmitt, faut que je mange. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Et tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques. Gros billet sur ton gros cul n'est que la face cachée de l'iceberg. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. Tu ne fais que pousser des hits. Tu ne fais que sucer des beats. Mon gang est resserré comme dans le PKK. Tes fesses sont écartées comme dans un FKK. Abidjan, Brazzaville et Dakar. Chaud comme les Boko Haram et Fatah. J'ai un nouveau Glock avec deux chargeurs. Large et le torse dans le débardeur. Pour tailler la barbe, pour un sécateur. Peut faire une DP sans qu'il y ait de hardeur. Grosse auto, faut du coco. Je suis tout le temps à la pompe à essence. Tes poteaux sont dans le froco. Ou tout le temps convalescence automatique. Une seule fois je presse, trop feignant pour passer les vitesses. Je serai le coupable et le complice. Mon fils va tirer sur ton fils. Mes douilles atterrissent sur la lune. Et tes couilles atterrissent dans le presse agrume, gros, j'tombe dans le vide. T'as lâché comme le guide. Le son est tellement lourd qu'il est d'une obésité morbide. Moi, j'veux des zéros, j'te parle. Et c'est déjà trop d'honneur. T'as des zéros. MC, t'auras jamais tableau d'honneur. Y'a que des putes sur le net. Ça veut jouer les boycotteurs. J'marque des putes. Avec ou sans gros codeur. Et je mélange. Fuck le smic, vend de la drogue, fuck le schmitt, faut que je mange. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Et tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques. Gros billet sur ton gros cul n'est que la face cachée de l'iceberg. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Je suis sur le terrain, je suis collé attaquant en 4-4-2 comme les mancuniens. Original, je fais mal, je ne fais que du sale et je les pèse du 1er au 31. Je vais partir pour ne plus voir la nature humaine et je m'arrache comme Ulysse 31. 4100 24 27 0 20 31. Ils disent que je suis plus leur frelon. Que j'ai le bras gravelon. Que depuis j'ai pris le melon. Que je vais lécher tous les mamons. Je tire dans le plexus pour les galons. Les montagnes surplombent les vallons. Je suis dans le Lexus comme dans le salon. T'as l'utérus sur les talons. Globe, barbe grainée. Je veux que toute ta filiation décède. Et je n'ai même pas encore dégainé. Ma réputation précède. Je leur crache sur le crâne pour la garniture. Et je fais un selfie. J'encule ta femme et ta progéniture, telle mère, telle fille. Et je mélange. Fuck le smic, vend de la drogue, fuck le schmitt, faut que je mange. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Et tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques. Gros billet sur ton gros cul, ton gros cul, ton gros cul n'est que la face cachée de l'iceberg. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Viens avec la haine, pas avec la rage. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Salope. 2-7. Sevrac à l'instant pour conclure ce Planète Rap. Ouais. Merci Caris, en tout cas pour cette belle semaine. Merci à toi. Un message tiens, qui va conclure aussi. Dernier jour Planète Rap, ce fut une semaine très sale. C'est AM Mika qui nous envoie ça. Bien joué Mika. Avec l'album qui est dans les bacs depuis lundi. Je voulais juste qu'on fasse un petit tour de table. Tiens, Mike Taylor, il a disparu. On a perdu. Ah, il est parti, Mike Taylor. Bon, on le salue en tout cas. Merci d'être venu nous avoir lâché. Une grosse exclusion. Il y a Iba là qui doit faire une grosse dédicace aussi. Je suis une légende, ouais, qui sortira le 4 mai. Et ben, on y va pour la dédicace. Il faut bien être le casque, par contre. Ah ouais? Ouais, sinon ça. Thérapie ou Alibi, je veux bien que vous mettiez aussi. Hop, voilà. Dédicace, Adam? Ouais, dédicace à tous les mecs au Star. Tous les mecs de Sevran qui sont au Star. Vivi, Fifi, Malo, Dorma. Mozanko, Damso, Arifleux, Yastok, Malé. Yastok, mon pote. Mathis, on vous oublie pas, les gars, gardez la pêche. Les petits du 10-12 aussi. Si, si. Merci, Blacko. On se retrouve donc le 15 juin. Hein. 15 juin, c'est ça. 15 juin, c'est l'album Dualité, ouais. Et puis toujours sur le projet de Caris sur le morceau Voyageur. Voilà, c'est ça, le morceau Voyageur. Bah, merci d'avoir été avec nous aussi. En tout cas, toujours un plaisir de croiser Blacko. Ouais. Alibi, il y a des sorties aussi pour Alibi bientôt. Ouais, Fred, juste un EP. Hein. On va balancer un EP qui s'appelle CZ le 11 mai. Voilà, un petit EP tranquille. T'as fait avec le frangin Alino. Et puis le reste, on verra après. Moi, je vais faire quelques dédicaces aussi à Gucci. Christinelle qui est derrière moi, ben Alino, le frangin qui est derrière moi, la Courneuve, les 4000, ADM, Lion, et tous les gens, voilà, les gens qui sont avec nous au quotidien, les gens vrais qui sont pas forcément dans la lumière, ben je leur passe un gros big up, hommes et femmes, voilà. Et ben merci d'avoir été avec nous, merci vraiment Caris. On rappelle que t'es en tournée le 10 avril, t'es à Marseille, le 11 à Lyon, le 13 à Montpellier, 14 avril à Bordeaux, le 15 à Toulouse, le 21 à Caen, 22 à Rennes, le 23 à Brest, le 28 avril à Metz, le 29 au Printemps de Bourges, le 9 novembre au Zénith de Paris. Merci à Thérapie aussi. Merci, merci. Et à toute ton équipe aussi, tu salueras toute l'équipe. Je salue Gucci IG, on t'oublie pas, on t'es là aussi. Merci à vous tous pour cette grosse semaine dans Planète Rap. Et encore merci à toute l'équipe Thérapie, Caris, toute son équipe, tu vois, à tous les gars, BTTF, et c'est franchement ça fait plaisir. Comme on a parlé tout à l'heure, la mentalité du 93, elle est là, et puis voilà, bonne chance pour tout, et voilà, fait plaisir merci. Les gars. Bienvenue. Et ben merci à vous tous, merci Caris, merci à vous tous, et là on fait tourner la roulette juste avant de se quitter. Skyrock t'offre ton casque Power Beats 2, l'album de Sam Smith, plus des bons d'achat de 50 euros. Avec Camila de Dreux qui vient faire tourner la roulette pour conclure ce Planète Rap. Ça va Camila? Oui, toi Fred? Eh ben écoute, en pleine forme, je te présente Caris qui est là avec nous. Bien ou quoi Camila? Ouais, ça va et toi? Ouais, tranquille, on est là, on est là. Eh ben on y va, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Ah ouais, en famille. Pour c'est plusieurs, tourner. C'est plusieurs. Ouais, c'est mes deux sœurs. Et bah voilà, 50 euros en bon d'achat qui arrive dans la poche. L'album de Sam Smith, c'est pour toi aussi Camilla. Ah super, merci beaucoup Fred. On te fait des bisous, passe une bonne soirée, un long week-end. Lundi de Pâques, donc il y en a plein qui vont être en long week-end. Bon week-end à vous tous. On va dormir de fou. Tu fais rien ce week-end? Non. Caris, non, repos? Moi le week-end je dors. Tu souffles un peu avant de repartir en tournée. Exact. Et ben merci à vous tous, merci d'avoir été là dans ce Planète Rap. Et là on va retrouver D-Fool. Merci Fredo, merci Caris. Et attention, merci, attention, jusqu'à minuit. C'est parti, on va démarrer fort Fred ce soir avec Florida. Et oui, Florida qui arrive, oui, encore plus fort parce que derrière l'ensemble de l'équipe qui se bouscule arrive. Ouais. Bon, Romano Lamarie, ça va? Ouais, ça va, super. Cédric Salmi, ça va? Ça va, nickel. Momo Karim, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bon, mais moi, personne ne me demande si ça va, mais ça va. Ça va. Allez, jusqu'à minuit, c'est parti. Radio Libre, grosse soirée ce soir spécial. J'explique tout dans un instant. Juste après, Florida, le son qui arrive tout de suite. Et Fred, on te retrouve à minuit pour la nocturne, le 100% à français. Ce sera juste après nous. Hein. Avec ça, avec nous, vous retrouvez Fred après. Et Florida, tout de suite avec Going Down for Real. Ciao! 1500 euros.